C'est Bob qui a eu l'idée de te faire sauter du train, de te souffler mon billet. Et c'est lui qui a décidé, ses camarades, à nous prêter ce cheval. Enfin, c'est lui qui va nous procurer un bateau pour passer en France. Car tu dois bien croire que si tu voulais t'embarquer sur un vapeur, tu serais arrêté. Tu vois qu'il fait bon avoir des amis. Et Capi, qui a eu l'idée de l'emmener ? Moi, mais c'est Bob qui a eu l'idée de le teindre en jaune pour qu'on ne le reconnaisse pas, quand nous l'avons volé à l'agent Jerry. L'intelligent Jerry, comme disait le juge, qui cette fois n'a pas été trop intelligent, car il s'est laissé souffler Capi sans s'en apercevoir. Il est vrai que Capi, m'ayant senti, a presque tout fait, et puis Bob connaît tous les tours des voleurs de chiens. Et ton pied ? Guéri, ou à peu près. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Les routes d'Angleterre ne sont pas libres comme celles de France. De place en place se trouvent des barrières où l'on doit payer une certaine somme pour passer. Quand nous arrivions à l'une de ces barrières, Bob nous disait de nous taire et de ne pas bouger. Et les gardiens ne voyaient qu'une carriole conduite par un seul homme. Bob leur disait des plaisanteries et passait. Avec son talent de clown pour se grimer, il s'était fait une tête de fermier. Et ceux-mêmes qui le connaissaient le mieux lui auraient parlé sans savoir qui il était. Nous marchions rapidement, car le cheval était bon et Bob était un habile cocher. Cependant, il fallait nous arrêter pour laisser souffler un peu le cheval et pour lui donner à manger. Mais pour cela, nous n'entrâmes pas dans une auberge. Bob s'arrêta en plein bois, débrida son cheval et lui passa au cou une musette pleine d'avoine qu'il prit dans la voiture. La nuit était noire. Il n'y avait pas grand danger d'être surpris. Alors je pus m'entretenir avec Bob et le remercier par quelques paroles de reconnaissance émue. Mais il ne me laissa pas lui dire tout ce que j'avais dans le cœur. « Vous m'avez obligé, répondit-il, en me donnant une poignée de main. Aujourd'hui je vous oblige, chacun son tour. Et puis vous êtes le frère de Mathia. Et pour un bon garçon comme Mathia, on fait bien des choses. » Je lui demandai si nous étions éloignés de Littlehampton. Il me répondit que nous en avions encore pour plus de 2 heures. Et qu'il fallait nous hâter parce que le bateau de son frère partait tous les samedis pour Isigny et qu'il croyait que la marée avait lieu de bonne heure. Or, nous étions le vendredi. Nous reprîmes place sur la paille, sous la bâche, et le cheval reposé partit grand train. « As-tu peur ?» me demanda Mathia. « Oui et non. J'ai très peur d'être repris, mais il me semble qu'on ne me reprendra pas. Se sauver, n'est-ce pas avouer qu'on est coupable ? Voilà surtout ce qui me tourmente. Que dire pour ma défense ? Nous avons bien pensé à cela, mais Bob a cru qu'il fallait tout faire pour que tu ne paraisses pas sur le banc des assises. Cela est si triste d'avoir passé là, même quand on est acquitté. Moi, je n'ai osé rien dire, parce qu'avec mon idée fixe de t'emmener en France, j'ai peur que cette idée ne me conseille mal. Tu as bien fait, et quoi qu'il arrive, je n'aurai que de la reconnaissance pour vous. Il n'arrivera rien, va, sois tranquille. À l'arrêt du train, ton policeman aura fait son rapport. Mais avant qu'on organise les recherches, il s'est écoulé du temps, et nous, nous avons galopé. Et puis ils ne peuvent pas savoir que c'est à Littlehampton que nous allons nous embarquer. Il était certain que si on n'était pas sur notre piste, nous avions la chance de nous embarquer sans être inquiétés. Mais je n'étais pas comme Mathia, assuré qu'après l'arrêt du train, le policeman avait perdu du temps pour nous poursuivre. Là était le danger, et il pouvait être grand. Cependant, notre cheval, vigoureusement conduit par Bob, continuait de détaler grand train sur la route déserte. De temps en temps seulement, nous croisions quelques voitures. Aucune ne nous dépassait. Les villages que nous traversions étaient silencieux et rares étaient les fenêtres où se montrait une lumière attardée. Seuls quelques chiens faisaient attention à notre course rapide et nous poursuivaient de leurs aboiements. Quand, après une montée un peu rapide, Bob arrêtait son cheval pour le laisser souffler, nous descendions de voiture et nous nous collions la tête sur la terre pour écouter. Mais Mathia lui-même, qui avait l'oreille plus fine que nous, n'entendait aucun bruit suspect. Nous voyagions au milieu de l'ombre et du silence de la nuit. Ce n'était plus pour nous cacher que nous nous tenions sous la bâche, c'était pour nous défendre du froid, car depuis assez longtemps soufflait une bise froide. Quand nous passions la langue sur nos lèvres, nous trouvions un goût de sel. Nous approchions de la mer. Bientôt nous aperçûmes une lueur qui, à intervalles réguliers, disparaissait, pour reparaître avec éclat. C'était un phare. Nous arrivions. Bob arrêta son cheval, et le mettant au pas,

on ne voyait qu'une nappe blanche d'écume sur laquelle notre petit navire courait, incliné comme s'il allait chavirer. Mais il ne chavirait point, au contraire, il s'élevait légèrement, bondissant sur les vagues, porté, poussé par le vent d'ouest. Je me retournai vers la terre. Déjà les lumières du port n'étaient plus que des points dans l'obscurité vaporeuse, et les regardant ainsi s'affaiblir et disparaître les unes après les autres, ce fut avec un doux sentiment de délivrance que je dis adieu à l'Angleterre. « Si le vent continue ainsi, me dit le capitaine, nous n'arriverons pas tard ce soir à Isigny. C'est un bon voilier que l'éclipse. » Toute une journée de mer, et même plus d'une journée. Pauvre Mathia. Et cela lui faisait plaisir d'avoir le mal de mer. Elle s'écoula cependant, et je passai mon temps à voyager du pont à la cabine et de la cabine au pont. À un certain moment, comme je causais avec le capitaine, il étendit sa main dans la direction du sud-ouest, et j'aperçus une haute colonne blanche qui se dessinait sur un fond bleuâtre. Barfleur, me dit-il. Je dégringolai rapidement pour porter cette bonne nouvelle à Mathia, nous étions en vue de France. Mais la distance est longue encore de Barfleur à Isigny, car il faut longer toute la presqu'île du Cotentin avant d'entrer dans la Vire et dans l'Aure. Comme il était tard lorsque l'éclipse accosta le quai d'Isigny, le capitaine voulut bien nous permettre de coucher à bord, et ce fut seulement le lendemain matin que nous nous séparâmes de lui, après l'avoir remercié comme il convenait. « Quand vous voudrez revenir en Angleterre, nous dit-il, en nous donnant une rude poignée de main, l'éclipse part d'ici tous les mardis, à votre disposition. » C'était là une gracieuse proposition, mais que nous n'avions aucune envie d'accepter, ayant chacun nos raisons, Mathia et moi, pour ne pas traverser la mer de sitôt. Nous débarquions en France n'ayant que nos vêtements et nos instruments, Mathia ayant eu soin de prendre ma harpe que j'avais laissée dans la tente de Bob la nuit où j'avais été à l'auberge du Gros Chêne. Quant à nos sacs, ils étaient restés avec leur contenu dans les voitures de la famille Driscoll. Cela nous mettait dans un certain embarras, car nous ne pouvions pas reprendre notre vie errante sans chemise et sans bas, et surtout sans carte. Par bonheur, Mathia avait 12 francs d'économie, et en plus notre part de recettes provenant de notre association avec Bob et ses camarades, laquelle s'élevait à 22 shillings, ou 27 francs 50. Cela nous constituait une fortune de près de 40 francs, ce qui était considérable pour nous. Mathia avait voulu donner cet argent à Bob pour subvenir aux frais de mon évasion, mais Bob avait répondu qu'on ne se fait pas payer les services qu'on rend par amitié, et il n'avait voulu rien recevoir. Notre première occupation en sortant de l'éclipse fut donc de chercher un vieux sac de soldat et d'acheter ensuite 2 chemises, 2 paires de bas, 1 morceau de savon, 1 peigne, du fil, des boutons, des aiguilles, et enfin, ce qui nous était plus indispensable encore que ces objets si utiles cependant, une carte de France. En effet, où aller maintenant que nous étions en France? Quelle route suivre? Comment nous diriger? Ce fut la question que nous agitâmes en sortant d'Isigny par la route de Bayeux. « Pour moi, dit Mathia, je n'ai pas de préférence et je suis prêt à aller à droite ou à gauche. Je ne demande qu'une chose. »« Laquelle ? » ?»« Suivre le cours d'un fleuve, d'une rivière ou d'un canal, parce que j'ai une idée. » Comme je ne demandais pas à Mathia de me dire son idée, il continua. « Je vois qu'il faut que je te l'explique, mon idée. » Quand Arthur était malade, Madame Milligan le promenait en bateau, et c'est de cette façon que tu l'as rencontré sur le Cygne. Mais il n'est plus malade. C'est-à-dire qu'il est mieux. Il a été très malade, au contraire, et il n'a été sauvé que par les soins de sa mère. Alors mon idée est que pour le guérir tout à fait, Madame Milligan le promène encore en bateau sur les fleuves, les rivières, les canaux qui peuvent porter le Cygne. Si bien qu'en suivant le cours de ces rivières et de ces fleuves, nous avons chance de rencontrer le Cygne. Qui dit que le Cygne est en France? Rien. Cependant, comme le Cygne ne peut pas aller sur la mer, il est à croire qu'il n'a pas quitté la France. Nous avons des chances pour le trouver. Et quand nous n'en aurions qu'une, est-ce que tu n'es pas d'avis qu'il faut la risquer? Moi, je veux que nous retrouvions Madame Milligan, et mon avis est que nous ne devons rien négliger pour cela. Mais Lise, Alexis, Benjamin, Étiennette. Nous les verrons en cherchant Madame Milligan. Il faut donc que nous gagnions le cours d'un fleuve ou d'un canal. Cherchons sur ta carte quel est le fleuve le plus près. La carte fut étalée sur l'herbe du chemin, et nous cherchâmes le fleuve le plus voisin. Nous trouvâmes que c'était la Seine. « Eh bien, gagnons la Seine, » dit Mathias. « Mais la Seine passe à Paris. »« Qu'est-ce que cela fait ?»« Ça fait beaucoup. J'ai entendu dire à Vitalis que quand on voulait trouver quelqu'un, c'était à Paris qu'il fallait le chercher. Si la police anglaise me cherchait pour le vol de l'église Saint-Georges, je ne veux pas qu'elle me trouve. Ce ne serait pas la peine d'avoir quitté l'Angleterre. »« La police anglaise peut donc te poursuivre en France ?» « Je ne sais pas, mais si cela est, il ne faut pas aller à Paris. »« Ne peut-on pas suivre la Seine jusqu'aux environs de Paris, la quitter et la reprendre plus loin ? Je ne tiens pas à avoir gare aux folies. »« Sans doute. Eh bien, faisons ainsi. Nous interrogerons les mariniers, les haleurs, le long de la rivière. Et comme le cygne avec sa véranda ne ressemble pas aux autres bateaux, on l'aura remarqué s'il a passé sur la Seine. » Si nous ne le trouvons pas sur la Seine, nous le chercherons sur la Loire, sur la Garonne, sur toutes les rivières de France, et nous finirons bien par le trouver. Je n'avais pas d'objection à présenter contre l'idée de Mathias. Il fut donc décidé que nous gagnerions le cours de la Seine pour le côtoyer en le remontant. Après avoir pensé à nous, il était temps de nous occuper de Capi. Teint en jaune, Capi n'était pas pour moi Capi. Nous achetâmes du savon mou. Et à la première rivière que nous trouvâmes, nous le frottâmes vigoureusement, nous relayant quand nous étions fatigués. Mais la teinture de notre ami Bob était d'excellente qualité. Il nous fallut de nombreuses baignades, de longs savonnages. Il nous fallut surtout des semaines et des mois pour que Capi reprît sa couleur native. Heureusement, la Normandie est le pays de l'eau, et chaque jour nous pûmes le laver. Par Bayeux, Caen, Pont-l'Évêque et Pont-Audemer, nous gagnâmes la Seine à la bouille. Quand, du haut de collines boisées et au détour d'un chemin ombreux dont nous débouchâmes après une journée de marche, Mathias aperçut tout à coup devant lui la Seine, décrivant une large courbe au centre de laquelle nous nous trouvions et promenant doucement ses eaux calmes et puissantes, couvertes de navires aux blanches voiles et de bateaux à vapeur dont la fumée montait jusqu'à nous. Il déclara que cette vue le réconciliait avec l'eau. Et qu'il comprenait qu'on pouvait prendre plaisir à glisser sur cette tranquille rivière, au milieu de ses fraîches prairies, de ses champs bien cultivés et de ses bois sombres qui l'encadraient de verdure. Sois certain que c'est sur la Seine que Madame Milligan a promené son fils malade, me dit-il. C'est ce que nous allons bientôt savoir, en faisant causer les gens du village qui est au-dessous. Mais j'ignorais alors qu'il n'est pas facile d'interroger les Normands, qui répondent rarement d'une façon précise et qui, au contraire, interrogent eux-mêmes ceux qui les questionnent. « C'est-il un batiot du Havre ou un batiot de Rouen ?» vous demandez. « C'est-il un bachot ? C'est-il une barquette, un chaland, une péniche ?» Quand nous eûmes bien répondu à toutes les questions qu'on nous posa, il fut à peu près certain que le cygne n'était jamais venu à la bouille ou que s'il y avait passé, c'était la nuit, de sorte que personne ne l'avait vu. De la bouille, nous allâmes à Rouen, où nos recherches recommencèrent, mais sans meilleur résultat. À Elbeuf, on ne put pas non plus nous parler du cygne. À Pose, où il y a des écluses et où par conséquent on remarque les bateaux qui passent, il en fut de même encore. Sans nous décourager, nous avancions, questionnant toujours, mais sans grande espérance, car le cygne n'avait pas pu partir d'un point intermédiaire. Que Madame Milligan et Arthur se fussent embarqués à Quillebeuf ou à Côte-Bec, cela se comprenait. À Rouen, mieux encore. Mais puisque nous ne trouvions pas de traces de leur passage, nous devions aller jusqu'à Paris, ou plutôt au-delà de Paris. Comme nous ne marchions pas seulement pour avancer, mais qu'il nous fallait encore gagner chaque jour notre pain, il nous fallut 5 semaines pour aller d'Isigny à Charenton. Là, une question se présentait. Devions-nous suivre la Seine ? Ou bien devions-nous suivre la Marne? C'était ce que je m'étais demandé bien souvent en étudiant ma carte, mais sans trouver de meilleure raison pour une route plutôt que pour une autre. Heureusement, en arrivant à Charenton, nous n'eûmes pas à balancer, car à nos demandes, on répondit pour la première fois qu'on avait vu un bateau qui ressemblait au cygne. C'était un bateau de plaisance, et il avait une véranda. Mathias fut si joyeux qu'il se mit à danser sur le quai. Puis tout à coup, cessant de danser, il prit son violon et joua frénétiquement une marche triomphale. Pendant ce temps, je continuais d'interroger le marinier qui avait bien voulu nous répondre. Le doute n'était pas possible, c'était bien le cygne. Il y avait environ 2 mois qu'il avait passé à Charenton, remontant la Seine. 2 mois, cela lui donnait une terrible avance sur nous. Mais qu'importait? En marchant, nous finirions toujours par le rejoindre, bien que nous n'eussions que nos jambes, tandis que lui, il avait celle de 2 bons chevaux. La question de temps n'était rien. Le fait capital, extraordinaire, merveilleux, c'était que le cygne était retrouvé. « Qui a eu raison ?» criait Mathias. « Si j'avais osé, j'aurais avoué que mon espérance était vive aussi, très vive, mais je n'osais pas préciser, même pour moi seul, toutes les idées, toutes les folies qui faisaient s'envoler mon imagination. » Nous n'avons plus besoin de nous arrêter maintenant pour interroger les gens. Le cygne est devant nous, il n'y a qu'à suivre la Seine. Mais à Moret, le loin se jette dans la Seine et il faut recommencer nos questions. Le cygne a remonté la Seine. À Montereau, il faut les reprendre encore. Cette fois, le cygne a abandonné la Seine pour Lyon. Il y a un peu plus de 2 mois qu'il a quitté Montereau. Il a à son bord une dame anglaise et un jeune garçon étendu sur un lit. Nous nous rapprochons de Lise en même temps que nous suivons le cygne, et le cœur me bat fort quand, en étudiant ma carte, je me demande si après Joigny, Madame Milligan aura choisi le canal de Bourgogne ou celui du Nivernais. Nous arrivons au confluent de Lyon et de l'Armançon. Le cygne a continué de remonter Lyon. Nous allons donc passer par Dreuzy et voir Lise. Elle-même nous parlera de Madame Milligan et d'Arthur. Depuis que nous courions derrière le cygne, nous ne donnions plus grand temps à nos représentations. Et Capi, qui était un artiste consciencieux, ne comprenait rien à notre empressement. Pourquoi ne lui permettions-nous pas de rester gravement assis, la sébile entre les dents, devant l'honorable société qui tardait à mettre la main à la poche? Il faut savoir attendre. Mais nous n'attendions plus. Aussi les recettes baissaient-elles, en même temps que ce qui nous était resté sur nos 40 francs diminuait chaque jour. Loin de mettre de l'argent de côté, nous prenions sur notre capital. « Dépêchons-nous, » disait Mathias, « rejoignons le cygne. » Et je disais comme lui, « Dépêchons-nous. » Jamais le soir nous ne nous plaignions de la fatigue, si longue qu'eût été l'étape. Et tout au contraire, nous étions d'accord pour partir le lendemain de bonne heure. « Éveille-moi, » disait Mathias, qui aimait à dormir. Et quand je l'avais éveillé, jamais il n'était long à sauter sur ses jambes. Pour faire des économies, nous avions réduit nos dépenses, et comme il faisait chaud, Mathias avait déclaré qu'il ne voulait plus manger de viande, parce qu'en été la viande est malsaine. Nous nous contentions d'un morceau de pain avec un œuf dur, que nous partagions, ou bien un peu de beurre, et quoique nous fussions dans le pays du vin, nous ne buvions que de l'eau. Que nous importait? Cependant, Mathias avait quelquefois des idées de gourmandise. Je voudrais bien que Madame Milligan eût encore la cuisinière qui te faisait de si bonnes tartes aux confitures, disait-il. Cela doit être joliment bon, des tartes à l'abricot. Tu n'en as jamais mangé? J'ai mangé des chaussons aux pommes, mais je n'ai jamais mangé des tartes à l'abricot. Seulement j'en ai vu. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses blanches qui sont collées sur la confiture jaune? Des amandes. Oh! Et Mathias ouvrait la bouche comme pour avaler une tarte entière. Comme Lyon fait beaucoup de détours entre Joigny et Auxerre, nous regagnâmes, nous qui suivions la grande route, un peu de temps sur le cygne. Mais à partir d'Auxerre, nous en reperdîmes, car le cygne ayant pris le canal du Nivernais avait couru vite sur ses eaux tranquilles. À chaque écluse, nous avions de ses nouvelles, car sur ce canal où la navigation n'est pas très active, tout le monde avait remarqué ce bateau qui ressemblait si peu à ceux qu'on voyait ordinairement. Non seulement on nous parlait du cygne, mais on nous parlait aussi de Madame Milligan, une dame anglaise très bonne, et d'Arthur, un jeune garçon qui se tenait presque toujours couché dans un lit placé sur le pont, à l'abri d'une véranda garnie de verdure et de fleurs, mais qui se levait aussi quelquefois. Arthur était donc mieux.